Thank you. Chanter, espèce de con, moi. Le con. On entend le con. Trompette boy. Tu sais oui. Jouer, mon ami. Oui, je t'entends. Ça marche pas. Non, j'essaye. Thank you. Thank you.